Annonce 6. Chers clients, aujourd'hui 18 mars, promotion exceptionnelle sur tout le rayon électroménager. Téléviseur, ordinateur, appareil photo, tout est soldé. N'attendez plus et rendez-vous au rayon électroménager où nos vendeurs pourront vous renseigner.